L'affaire des gens, et les gens, c'est nous, et y'a que nous qui pouvons faire quelque chose pour nous. Il y a le printemps, bon, ça c'est l'affaire du printemps. Il y a l'hiver, bon, ça c'est l'affaire de l'hiver. Il y a la gloire pour les héros et pour l'histoire, c'est pour les grands, les tout grands des premiers rangs. Mais l'amour, pour tout le temps, ce sera l'affaire des gens. Il y a l'argent, bon, ça c'est l'affaire de l'argent. Il y a le bon Dieu, bon, ça c'est l'affaire du bon Dieu. Il y a les étoiles, elles guident les pauvres bateaux à voile depuis longtemps, longtemps. Il y a la guerre, ben cette fois, allez la faire. Les importants, les présidents, passez devant. Mais l'amour, tout le temps ce sera l'affaire des gens. Et les gens, c'est nous. L'amour, pour tout le temps, ce sera la fête des gens. Les gens, c'est nous, et y'a que nous qui pouvons.